Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, engagés volontaires, se battre pour des idées. Une série documentaire de Pauline Maucor, réalisée par Diffie Mariani. Au départ de cette série, il y a ces jeunes de Lunel, ou d'ailleurs, partis prendre les armes et souvent persuadés d'aller faire le bien. Il y a des idéaux en bandoulière et la soif de causes à défendre, mais aussi la fièvre et l'absolu qui peuvent mener au pire. Et tous ces hommes partis pour être utiles aux assiégés de Grèce, d'ex-Yougoslavie, d'Espagne ou d'ailleurs, et qui posent la question de la violence et du romantisme. Quitte à se retrouver dans un bain de sang ou devenir dépendant à l'adrénaline et à la poudre. Mais au départ, il y a Lord Byron. Alors pour commencer, les personnages. Un amoureux exilé, un historien rocker, un philosophe enfiévré, des pères héroïques qui font de l'ombre, un philosophe de la guerre, un repenti qui fixe sa jeunesse dans les yeux, un sociologue qui décode, des combattants qui veulent la justice, un psychanalyste qui compare, une essayiste intense, des héros devenus bourreaux, des révolutionnaires de carrière et un martyr. Ensuite, le décor. La révolution grecque, une mort qu'on rêve sur le champ de bataille, un sens à sa vie, la liberté, la débâcle, une flotte, l'âge d'or de la poésie, le baptême du feu, le désœuvrement, la guerre comme une aventure, Sarajevo, le danger d'une vérité absolue, un pied beau, l'humiliation, la colère et un combat contre soi-même. Premier épisode, parfois on est un aventurier romantique. Je suis allé dans cette petite bourgade qui est Missolonghi, bourgade très perdue, d'une ville dans les pires, donc au nord-ouest de la Grèce. Je suis Lord Byron. Je suis allé dormir à l'hôtel Byron, bien sûr. Et puis, quand vous êtes tout près des fortifications, vous avez du mal à imaginer que toute l'Europe s'est passionnée, vécue au rythme du siège de Missolonghi, quand d'un coup vous découvrez ce qu'était au fond l'enceinte de Missolonghi. Je suis. Alors, est-ce que j'ai des photos? J'ai des photos assez misérables, malheureusement. Le cimetière des héros n'est pas très bien entretenu, mais il y a plusieurs tombes de Philhellène et le cœur de Byron est là-bas. I am Lord Byron. Je suis mort à Missolonghi. Ce qui m'a beaucoup surpris dans le cimetière de Missolonghi, c'est un panneau avec un klaxon et barré. Interdiction de déranger le repos des héros de la guerre d'indépendance grecque. Vous ne pouvez pas klaxonner à côté du cimetière. Ça, j'ai trouvé ça très amusant parce que le reste du cimetière était assez délaissé, mais voilà, ne pas déranger le repos des guerriers. Engagé volontaire, se battre pour des idées. Lord Byron en Grèce. L'élan. La mort de Byron, le 19 avril 1824, fait connaître à toute l'Europe et au monde entier la ville martyre, la ville de Missolonghi. Child Herald Pilgrimage. Willem in Albion's Isle, thou dwelt a youth. C'est une des premières grandes célébrités de l'histoire européenne. Si on voulait faire un anachronisme total, voilà, on dirait que c'est un peu le David Bowie de l'époque. Il a quelque chose d'une icône rock, si j'ose dire. Ce qui est assez fascinant chez lui, c'est qu'il c'est un être tissé de plein de contrastes, plein d'extrêmes. Il aimait les hommes et les femmes. Il a eu des aventures avec des hommes et des femmes de tous les milieux. Il a connu la pauvreté dans sa jeunesse, puis tout d'un coup il hérite. Et là il devient richissime. Il est à la fois très engagé pour la défense des ouvriers et la défense des opprimés. C'était un homme, paraît-il, très beau. Et en même temps, il est très complexé par son corps. Espèce d'homme qui est tissé sans arrêt de contrastes et d'extrêmes, en quelque sorte. Et ça me le rend, en effet, très sympathique parce qu'il a accueilli beaucoup de contradictions en lui. Et avec une très grande liberté, s'il y a un mot qui le caractérise, je crois que c'est ça, une grande liberté à l'égard de toutes les conventions de son temps. Voilà ce que j'aime chez lui. Strange games they men. Life rose into one for them. So softly, a super god cried. 1823, la Grèce fait sa révolution contre l'Empire ottoman. Lord Byron, grand défenseur de la liberté, poète anglais révolté, excessif, sulfureux, s'engage par les armes. Il meurt de fièvre et d'épuisement à Missolonghi. Il a 36 ans. Le mythe romantique de l'engagé volontaire vient de naître. Dans son sillage, tout un mouvement de jeunes internationaux ne pense plus qu'à ça, partir combattre pour l'indépendance du peuple grec. Jusqu'à aujourd'hui, Byron inspire les combattants des conflits les plus divers. En Espagne, chez le Che, en Syrie et jusque dans le djihad, on retrouve des ingrédients de ce mythe romantique, le combat par les armes pour des idées. La Grèce a toujours été pour moi ce qu'elle doit être pour tous ceux qui ont du sentiment ou de l'instruction. La terre promise de la vaillance, des arts et de la liberté. Servir à vos côtés pour la cause grecque sera l'un des plus heureux événements de ma vie. Il n'est pas mort au combat, il n'a d'ailleurs pas eu le temps de combattre, il est mort de malaria. Hervé Mazurel, historien. Mais sa mort est restée comme une mort glorieuse, au champ d'honneur, voilà, tout le monde l'a en quelque sorte transfiguré comme un... Il fallait qu'il meure comme ça, en quelque sorte. Hein. Et donc voilà, ça a été un événement majeur que la mort de Byron a mis selon qui a fait pleurer tous les collégiens, lycéens d'Europe, en France en particulier. C'était une star, Byron, on n'imagine pas la célébrité de Byron à l'époque. Daniel Salvatore Schiffer, philosophe, biographe de Lord Byron. C'est l'écrivain le plus connu, peut-être de l'Europe. Même Pushkin, en Russie, on l'appelle le Byron russe. À l'époque, Byron était peut-être encore plus connu que Goethe ou que Chateaubriand. Et donc, les Grecs ont entendu parler de lui et de ses exploits, de sa générosité. Et ce sont les Grecs qui lui demandent son aide, son appui, contre le joug de l'Empire ottoman. Et Byron accepte, parce que ça donne un sens à sa vie. Vous verrez que si le temps et la fortune le permettent, je ferai quelque chose qui étonnera les philosophes de tous les temps. Il arrive en Grèce. Première chose, il paye le pacha, il paye les dirigeants, les militaires ottomans pour acheter la liberté des prisonniers grecs. Donc il dépense une somme folle. Il ne supporte pas l'emprisonnement. Il ne supporte aucune prison, aucun barreau. Il ne supporte aucun corset. C'est un être éminemment libre. Et donc pour lui, l'idée qu'un grec ou qu'un turc, d'ailleurs, ou qu'un ottoman soit en prison, lui est absolument insupportable. Deuxième chose, l'armée officielle grecque est en débâcle, elle n'existe plus. Donc Byron finance des mercenaires, qu'on appelle les souliotes, avec son argent. Et il lève une véritable armée. Quand j'ai une véritable armée, ce sont des milliers d'hommes qu'il paie chaque mois. Ensuite, il met sur pied une flotte, des bateaux, mais des dizaines de bateaux. Il paye les armes, la poudre, les canons. Il paye tout. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Il est mort ruiné, il n'avait plus rien. Byron dépense pour les Grecs, contre l'Empire ottoman, l'équivalent de ce que Napoléon a dépensé lors de sa première campagne d'Italie. Sauf que Napoléon, c'était l'argent de l'État. Byron, c'est de sa propre poche, ce sont ses deniers, c'est une fortune colossale. Son courage, son abnégation, sa générosité a été telle que les Grecs lui en seront toujours reconnaissants, à tel point que Byron est devenu un personnage historique, légendaire et mythique en Grèce. Il y a son nom sur une colonne dans le Jardin des Héros, encore aujourd'hui à Athènes, et pendant longtemps, le jour de la mort de Byron était un jour de fête nationale en Grèce. L'État grec va naître en 1830. Mais on peut tout à fait imaginer que si Byron ne participe pas à cet événement-là, si sa notoriété n'est pas investie d'autant d'attentes, d'espoirs, etc., à ce moment-là, s'il ne participe pas à ce conflit, il y a peu de chances que l'État grec soit né à ce moment-là. Let me frame. Le grand objet de la vie est la sensation. Sentir que nous existons, fût-ce dans la douleur. C'est ce vide important qui nous pousse au jeu, à la guerre, au voyage, à des actions quelconques, mais fortement senties. Et dont le charme principal est l'agitation qui en est inséparable. C'est une phrase qu'il a écrite à son retour du voyage en Orient en 1810, mais qui dit cela, le rapport entre l'ennui, la guerre, le voyage, l'aventure, hein, c'est vraiment et l'agitation qui naît de tout cela. Au fond, c'est un peu le manifeste du romantisme, hein, que ce petit billet qu'il a laissé au sortir de son voyage en Orient. Jadis, en l'île d'Albion, vivait un jeune homme qui ne trouvait point de charme aux voies de la vertu. Il passait tous les jours en débauches les plus folles et choqué du bruit de ses plaisirs, l'oreille langoureuse de la nuit. Dans la vie de Byron, tout bascule en 1812. Il a une phrase qui a marqué beaucoup de ses commentateurs. Il dit « Un matin, je me suis réveillé célèbre. » Voilà. Parce qu'en fait, il a publié Le pèlerinage de Childe Harold en 1812. Et en fait, il a réinventé à ce moment-là une tradition qui est celle du Grand Tour, où voyageaient les élites anglaises notamment, et en partie européennes, faisaient toujours à la fin de leurs études un voyage en Italie pour en quelque sorte confronter leur savoir de bibliothèque aux traces matérielles de l'Antiquité. Et lui, Byron, parce que c'est la guerre napoléonienne, invente un tout autre tour. Il passe par le Portugal, le sud de l'Espagne, va à Malte, en Albanie, où personne n'allait jusque-là. Et à partir de là, Byron va incarner, en gros, le romantisme, c'est un peu le romantisme fait homme, Byron, et il va devenir l'écrivain le plus en vue avec Goethe de son époque. Et toute la jeunesse européenne va s'éprendre de sa littérature et va devenir un peu l'icône d'une génération, la génération romantique. Which seemed to him more lone than hermit's sad cell. Vous donnez une idée, quand Le Corsaire, qui est un de ses contes, est publié en 1814, 10 000 personnes l'achètent le premier jour, ce qui est un chiffre proprement inouï pour l'époque. Et du coup, beaucoup de jeunes vont tâcher de se mettre dans ses pas. D'abord, beaucoup vont prendre des études dites byroniennes, une espèce de héros un peu ténébreux. Il y a un dandysme aussi chez Byron qui est très, très puissant, très fort. Et puis, lorsque s'enclenche la guerre d'indépendance grecque en 1821, en mars 1821, des volontaires de toute l'Europe, des États-Unis aussi, partent en Grèce. Et Byron n'est pas encore parti, il partira seulement 3 ans plus tard. Mais ses premiers volontaires sont vus comme des byroniens, parce que, au fond, ils incarnent quelque chose des héros que Byron a mis en scène dans ses contes orientaux, comme si, en quelque sorte, ces héros de papier étaient devenus réels. Et c'est comme s'il y avait une sorte de porosité, finalement, entre le monde de la littérature et, finalement, le monde réel, comme si l'imaginaire faisait partie de la réalité. Ils ont actualisé le héros byronien sur place. The great object of life is sensation. To feel that we exist, even though in pain. It is this craving void which drives us to gaming, to battle, to travel, to intemperate but keenly felt pursuits of every description, whose principal attraction is the agitation inseparable from their accomplishment. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est l'âge d'or de la poésie. S'il y a un moment où tout le monde lit des poèmes et en écrit, c'est la période des années 1820-1830, en gros. Ah, donc, évidemment, beaucoup de gens qui s'exercent à la poésie à la façon de Byron et puis qui embrassent son mode d'existence. Voilà, Byron a vécu grand train et a vécu une vie très libre en quelque sorte, notamment avec des mœurs sexuelles très libres et un athéisme très fort et avec aussi des convictions politiques très ancrées. Voilà. Donc c'est des gens souvent très engagés politiquement, ce sont des libéraux, ce sont des républicains, souvent qui viennent des milieux littéraires, plutôt des élites sociales, mais pas des conservateurs, quoi. Voilà. très difficile à comprendre pour nous, parce que nous vivons depuis 1945 dans ce qu'on appelle la déprise de la guerre. C'est-à-dire, la guerre pour nous, si on interroge tout un chacun, on dirait plutôt qu'elle est cruelle, sordide, absurde, alors qu'au début du 19e siècle, la guerre est quelque chose de désirable. On sort des épopées napoléoniennes, la guerre est belle et glorieuse. Et pour la génération romantique, le moment de Waterloo est un moment capital, le moment où tout d'un coup, ça va être l'éclipse des champs de bataille en Europe. Et donc, beaucoup de ces jeunes qui s'étaient préparés à vivre un temps de ce type-là, un temps guerrier, sont frustrés, finalement, de ne pouvoir, en quelque sorte, tutoyer l'héroïsme de leur père, de eux aussi se couvrir de gloire, d'avoir des médailles, et de connaître une épreuve essentielle pour un espèce de rite de passage à l'âge d'homme, qui est le baptême du feu. Et en fait, ce qui se passe en 1815, c'est comme si tout d'un coup, il y avait un immense ralentissement du pouls du temps, en quelque sorte, historique. Il y a quelque chose qui... Il y a de l'ennui romantique, d'ailleurs. Hein, l'ennui, voilà, il y a de l'ennui, de la frustration, du désœuvrement. Et Vigny dit quelque chose que je trouve assez fascinant. Il dit au fond, cette génération est perdue entre l'écho et le rêve de bataille. Et ça touche la jeunesse, mais ça touche aussi tous les soldats démobilisés d'après Waterloo. Des gens qui ont passé parfois 10 ans ou plus à faire la guerre sans arrêt, pour qui la guerre était devenue un métier et qui n'arrivent pas à réintégrer la vie civile. Qui du coup sont prêts à s'engager dans tout un tas de conflits périphériques et qui partent. Et puis dans ces milliers de soldats démobilisés, beaucoup désirent la guerre encore, la veulent, et parce que ça fait partie de leur idéal masculin, de l'idéal de virilité, et parce qu'on cherche dans la guerre de l'aventure et une espèce d'intensité d'existence, en quelque sorte. Et beaucoup vont chercher, du coup, non plus en Europe, puisque ce n'est plus possible, mais aux marges de l'Europe, ou très loin, parfois en Amérique latine, un baptême du feu, justement, une expérience de guerre qui garantisse leur entrée dans l'âge adulte et leur appartenance au monde des hommes, des hommes pleinement hommes, comme on voulait croire à l'époque. L'appel a réveillé les morts. Vais-je persister à dormir? Le monde assaille les tyrans. Resterai-je inerte à leurs pieds? La guerre a représenté une mise en forme culturelle de la violence. La guerre représentait, par exemple, un art de mourir, parce qu'il a existé des arts de vivre, mais il a existé, évidemment, aussi des arts de mourir très importants. Frédéric Gros, philosophe. On a entendu, pendant très longtemps, par guerre, un affrontement réglé, dans lequel je menaçais la vie de l'autre, puisqu'il s'agit bien de vivre et de mourir dans la guerre, mais en tant que j'exposais la mienne. Et les gens du Moyen-Âge avaient cette formule « se mettre en aventure de mort ». Faire la guerre, c'est se mettre en aventure de mort, mais comme cette aventure était partagée par l'armée adverse qui, elle aussi, mettait ses sujets en aventure de mort, cette réciprocité dans l'échange de mort et cette verticalité du rapport à la mort faisait que pouvait s'y former un certain nombre de valeurs éthiques comme le courage, le dépassement de soi, l'obéissance, le sens du sacrifice. Ce qu'on a du mal à se représenter aujourd'hui, c'est la manière dont cette expérience guerrière a pu nourrir toute la philosophie morale. Mais la grande rupture, c'est évidemment le moment de l'industrialisation de la guerre. Vous comprenez bien qu'à partir du moment où vous disposez d'avions pour bombarder des populations civiles sans défense, si vous prenez les grandes formes actuelles de violence collective, que ce soit l'attentat terroriste, que ce soit autre chose, ce sont des formes dans lesquelles le principe de l'échange de mort a disparu. Au début du XXe siècle, vous aviez 9 militaires pour un civil qui mourait dans les guerres. La proportion s'est inversée aujourd'hui. Ce sont 9 civils qui meurent pour un seul militaire. Dans les mouvements contemporains de volontariat, alors je ne sais pas regarder nécessairement de très près les mouvements pro-kurdes, Mais si vous regardez à l'inverse, parce que ce sont aussi des volontaires, des djihadistes qui sont partis combattre dans les rangs de l'État islamique, en restant extrêmement prudents, hein, parce qu'évidemment, là, il y a vraiment des mondes historiques très très différents, des mondes culturels très très différents, mais on retrouve, si on s'intéresse au plan sociologique et au plan anthropologique, à l'œuvre, dans le fait de partir au loin, vous trouvez évidemment des correspondances dans tous les phénomènes de volontariat. Je pense par exemple à ce qu'on appelle les effets d'entraînement en sociologie. C'est pas du tout un hasard si ce sont des frères qui partent ensemble, ou des cousins, ou des voisins. Ce qui s'est passé à Lunel, à cette vingtaine de gamins, ils s'appelaient comme ça, qui sont partis de Lunel pour combattre au loin, c'est une espèce de désir mimétique qui est à l'œuvre et qu'on retrouve dans tous les mouvements de volontariat. Les Philhélènes, il y a une petite ville qui s'appelle Sarreguemines en Lorraine, il y a plein de Philhélènes qui venaient de là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Au fond, c'est tout simplement des effets de... On s'auto-entraîne. Nous sommes 9. Parmi les 9 que nous sommes, la moitié a un casier. Tous avons déjà connu les affres de la délinquance. Le rapport aux armes et à la violence ne nous impressionne pas plus que ça. La mort, c'est pour les plus de 40 ans, ça ne nous concerne pas. David Valla est repenti du djihad. Au début des années 90, il part s'engager en Bosnie, puis en Afghanistan dans un camp d'entraînement. On a tous entre 19 et 25 ans. Tous très jeunes, tous en rupture avec la famille, le travail et la société, parce que on a tous procédé de ce même parcours s'agissant de valider un aller simple. Dans notre esprit, c'est ça. Il y en a même un qui a l'intention de se marier sur place. Alors moi, il m'éclate de rire quand il me dit ça. Je dis, mais gars, t'as réalisé quand même deux minutes que tu vas te marier avec qui? Comment tu vas la nourrir? Comment tu vas la... Tu seras peut-être pas en capacité de te protéger toi parce que t'as pas de formation militaire. Du groupe que nous sommes, il y en a que deux qui ont une formation militaire, moi et un autre. Il y a vraiment plusieurs profils dans ce groupe avec des points communs qui sont la jeunesse et la volonté d'en découdre. Moi, je pense être des trois de ceux qui sont le plus en mode on va tout cramer. Parler d'un aller simple, vous pensez mourir là-bas? Ben évidemment. Si je valide pas cette option, j'y vais pas. Ça a toujours un sens de comparer des choses qui, en apparence, peuvent paraître incomparables. Laurent Bonelli, sociologue. Et je crois que c'est intéressant de toute façon d'essayer de comprendre un certain nombre de mécanismes qui poussent des gens à quitter leurs amis, leur vie quotidienne pour s'engager dans des conflits lointains qui a priori ne les concernent pas au premier chef. Bon. Dans 20% des conflits qui existent depuis le début du 19e siècle, on observe des combattants étrangers. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui est en réalité un phénomène extrêmement fréquent. Alors évidemment, faire des comparaisons au sens social, ça ne veut pas dire que tout se vaut. Et évidemment, il peut paraître choquant pour un certain nombre de gens de dire « Ah bah tiens, aujourd'hui, des djihadistes engagés dans les rangs de l'État islamique, c'est la même chose que des gens qui étaient engagés dans les brigades internationales en Espagne. » Bien sûr, ce n'est pas la même chose. Mais du point de vue des sciences sociales, on peut essayer d'identifier un certain nombre de mécanismes qui sont similaires, ou en tout cas permettent de mieux comprendre pourquoi ce type d'engagement. Donc, le cadrage idéologique d'un conflit, c'est quelque chose de très important parce que ça permet des identifications à distance. C'est une manière qui facilite l'engagement étranger. L'idéologie, ce sont les lunettes que l'on chausse pour lire le monde. C'est une grille de lecture du monde social. On peut diviser le monde entre riches et pauvres, entre hommes et femmes, entre croyants et mécréants. C'est ça. Bon. Formuler des conflits dans des termes idéologique, c'est-à-dire dans des grands systèmes d'opposition, ça permet de mobiliser des gens qui, a priori, sont étrangers, je dirais, au conflit. Lorsque j'ai 15 ans, on me fait voir Nuit et brouillard, au collège, avec une injonction très fortement appuyée de « plus jamais ça ». Donc moi, je valide. Manichéen, 15 ans, ok. Et arrive la Yougoslavie. Et je vois un reportage où je vois les mêmes images que celles qui m'avaient choqué dans Nuit et brouillard, où des civils sont faméliques, torse nu, derrière des barbelés. Ça ressemble un peu à ces images où on voit Himmler visiter un camp de prisonniers et il se mettra un mouchoir sur le nez à cause de l'odeur pestilentielle. C'est les mêmes, mais en couleur, et aujourd'hui. Coup de semonce. Le déclic dans ma tête se fait à ce moment-là. Je ne peux pas être attentiste. Je ne peux pas rester le cul sur ma chaise. C'est tellement ahurissant ce qui se passe. Et... Personne ne réagit au niveau des États. Ça lambine, ça tourne en rond à Genève. On cherche un accord de paix qui ne vient pas. Ça dure des semaines. Et pendant ce temps-là, on massacre à tour de bras. Les civils sur place n'ont plus rien à attendre de personne. Et je me dis que si ça continue, on va de nouveau avoir cette infamie sur le territoire européen. Et hors de question. En tout cas, pas avec moi. Et quelle est la solution? Bah, c'est d'aller se battre. Et je pars un peu avec la rage au cœur de pourquoi on me laisse, moi, résoudre ce problème. C'est complètement ahurissant hein, d'avoir 21 ans et penser ça. Mais je me dis, pourquoi on laisse faire? Et pourquoi c'est à moi de répondre à ça? Pourquoi c'est à moi de réagir? C'est parce que je sens bien que mes études, c'est fini. L'avenir que je suis en train de me préparer, c'est plié. Celle que je convoite et que j'aime, ben, je vais devoir l'oublier, parce que sur place, j'entends pas passer des vacances. Je me rappelle d'un cauchemar. Je suis dans une espèce de grange. J'ai été enterré et seule une partie de mon buste sort, ainsi que ma tête. Il y a trois soldats, que je pense être des miliciens serbes, dans le rêve en tout cas c'est le cas, qui lâchent trois porcs énormes, qui commencent à me dévorer le visage. J'entends craquer le cartilage, je sens leur haleine, c'est un truc hyper réaliste. Mais vraiment, je me lève en sueur, et là je me dis, rien à foutre, tu vas y aller quand même. C'est le dernier coup de boulon que je mets sur ce verrouillage, et ce matin-là, je sais que je vais y aller. Je sens que c'est le néant qui m'appelle, parce que je vais certainement mourir. En tout cas, ma vie d'avant sera finie, clairement. Donc, il faut que je valide tout ce que je vais perdre. Point par point. Une fois que j'arrive à la conclusion que cette cause est bien plus grande que moi, et mon petit égoïsme d'avenir et de carrière, ça y est, c'est plus qu'une question de moyens derrière. Si je n'y vais pas, je serai dans l'incapacité rapidement de me regarder dans une glace. Tout ça ne vaudra rien. Je pourrais être architecte, me marier avec celle que j'aime, sortir mes sœurs en leur payant des études de notre condition sociale, mais pourquoi? Dans quel but? Si je peux pas me regarder dans une glace. C'est comme l'œil d'un cyclone dans lequel je suis, et je dois y aller irrémédiablement, c'est un inéluctable. Quand on part au loin comme ça, on va chercher à donner sens à son existence grâce à un départ en se mettant au service d'une cause qui vous dépasse. Du coup, ça, voilà, on retrouve un sentiment d'existence positif, une espèce de sacré intime qui se crée et qui est très important dans la dynamique du volontariat. Tout d'un coup, on récupère une espèce d'aura parce qu'on ose engager sa vie pour une idée, pour une croyance, pour des valeurs. Et que du coup, ça, en quelque sorte, ça ennoblit le volontaire au regard des autres, des communs qui n'osent pas risquer leur vie pour une cause plus grande qu'eux-mêmes. Au fond, on s'engage en Espagne, pourquoi? Certains militants le disent. Moi, je n'y connaissais pas grand-chose, l'Espagne, mais j'étais un ouvrier et je voyais que là-bas, des ouvriers étaient tués. Et une sorte, vous voyez, de solidarité de classe immédiate. Alors, on s'identifie à ceux qui souffrent, c'est-à-dire que c'est l'une des manières, hein, c'est un moteur. Très fréquemment, dans les discours des gens qui s'engagent, on a cette référence-là. Vous avez des gens donc qui s'engagent effectivement par une pure solidarité de ce type-là. Vous avez des gens qui s'engagent pour construire un projet utopique. Vous avez des militants politiques qui, grosso modo, croient dans une utopie. Vous avez des militants qui, en Espagne, se sont engagés pour construire des soviets. Vous avez, bon, il y a des gens qui, aujourd'hui, s'engagent, ou il y a au moins quelques mois, s'engageaient en Irak ou en Syrie pour construire une utopie, un État islamique. Bon. Et puis, ces derniers points, il y a toute une série de gens qui s'engagent aussi pour tout un tas de raisons qui ont à voir avec leur propre vie personnelle. Et tous ces éléments se mélangent souvent. Il y a aussi une attirance, l'attirance du risque mortel. Vouloir frôler la mort, engager sa vie et la mettre au plus près de la mort. Parce que celui qui survit à ça, qui survit à une épreuve comme ça, il est en quelque sorte garanti dans l'existence, si jamais il en réchappe. Et c'est comme un rituel qu'on pourrait dire ordalique. C'est-à-dire tout coup, on met sa vie dans les mains, soit de Dieu, soit du hasard, et on espère. Et c'est vraiment quelque chose qui sourd très en profondeur dans toutes les logiques d'engagement volontaire, quelles qu'elles soient. L'autre jour, il y a quelqu'un qui a filmé des jeunes qui sautait d'une falaise près de Marseille. Fethi Benslama, psychanalyste. Quand je l'ai entendu parler, j'ai cru entendre certains jeunes radicalisés. Ils parlaient de ce risque qu'ils prenaient, la joie et la jouissance qu'il éprouvait en faisant ça, sachant justement qu'il pouvait mourir. Et le fait que dans les sociétés, comme les sociétés occidentales aujourd'hui, où les utopies ont perdu de leur force, les utopies politiques, eh bien, ça laisse le terrain pour ce type d'aventure, du n'importe quoi. Beaucoup de gens ont le sentiment qu'ils se construisent en allant prendre ces risques-là. Et d'ailleurs, bon, je crois que certains, quand ils éprouvent une ou deux fois ce genre de choses, après, ils n'arrivent plus à renoncer. La haine sera un facteur de la lutte. Ce sera la haine intransigeante de l'ennemi qui repoussera nos limites naturelles et nous transformera en une efficace, violente, sélective et froide machine à tuer. Il faudra porter la guerre aussi loin que la portera l'ennemi, jusqu'à sa maison, jusqu'à ses lieux de détente. Il faudrait mener une guerre totale. Ernesto Che Guevara, message à la tricontinentale. Ce qui me semble dans les tiers très intéressant, c'est que cet homme, il avait décidé de mourir finalement très jeune, dans une sorte d'éthique de la destruction des soi, de la destruction du monde en fait. Marcela Yacoub, juriste et essayiste. C'est ça qui ressemble un peu à tous ces terroristes aujourd'hui qui n'hésitent pas à qui méprisent aussi bien leur vie que la vie des autres en fait. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils peuvent faire des actes politiques, des propagandes en tuant et en mourant en fait. Alors que c'était pas du tout la théorie de la révolution cubaine ou du communisme en fait. Lui, il avait une théorie de l'engagement militaire qui n'était pas du tout comme celle de ses compagnons, des luttes. Lui s'était engagé vraiment jusqu'à la mort. Il voulait mourir dans la guerre, en fait. Il avait une philosophie kamikaze, d'une certaine façon. Il voulait mourir comme un personnage héroïque. Il avait très peur de ne pas mourir comme un combattant. C'est ça qui aussi fait un peu penser au kamikaze, en fait. Malheureusement, il a embarqué beaucoup de gens dans son projet dingue, cette guérilla de la Bolivie. Ah, c'était un cinglé, bien sûr. Il est devenu héroïque, mais c'est un type qui est assez abject quand on regarde de près. Il a commis des actes. Voilà, bon, après, on en a fait un héros. C'est... Aujourd'hui, on sait qu'il s'est passé autre chose, et que ce n'est pas un type aussi sympa qu'on l'imagine. Che Guevara, bien sûr. Mais il y a un moment, cette vérité qui était la sienne était partagée par beaucoup de gens. Et il pensait que c'était la bonne. Et puis, puisque c'était la bonne, bah, on peut vraiment, au nom de cette vérité, faire ce qu'on croit, servir cette vérité-là. C'est toujours comme ça. C'est ça qu'il faut craindre, ce sont les gens qui ont une vérité unique. C'est ça qui leur permet de commettre toutes les exactions. C'est cette question-là qui porte le plus à conséquence dans l'histoire des êtres humains, c'est l'idée d'une vérité. Une vérité qui doit s'imposer à tous. C'est pas une vérité là qui est la leur. Ils ne la pensent pas comme ça. Parce que s'ils la pensaient comme la leur, bah ça va. Non, eux, ils pensent que cette vérité-là, elle est valable pour tout le monde. Et ils deviennent des bourreaux. Ils deviennent des meurtriers. Ils deviennent des gens d'une grande cruauté. Les Che, ils s'imaginaient un destin très royal, il devait être... D'abord, il a voulu devenir un homme des sciences, il a fait des études de médecine, il imaginait qu'il avait sauvé l'humanité des maladies les plus affreuses, il allait être comme pasteur, qu'il allait être nobilisé, enfin bon, être un rédempteur, être un rédempteur de l'humanité, et sauver cette espèce d'humiliation dans laquelle vivait sa famille, parce que la mère qui venait d'une famille des plus riches, ils étaient des propriétaires terriens très riches, tout ça. Tout d'un coup, la mère vivait dans une maison dans laquelle les toits s'écroulaient, ils n'avaient pas de quoi manger, les plus petits des enfants, ils n'avaient même pas de quoi acheter un berceau, ils étaient dans une caisse pour fruits et légumes dans un supermarché. Enfin, c'était des conditions vraiment d'un dénouement incroyable. C'était un déclassement très, très féroce, en fait. Et voilà, alors, lui, il pensait qu'il allait sauver l'honneur de la famille en devenant un grand homme des sciences. Et tout d'un coup, il se rend compte quand il est en deuxième, troisième année de médecine, que ça ne lui intéresse pas. Il est très désespéré par ça. Et c'est là qu'il commence à faire ses voyages par Amérique latine, en fait. Bon, le côté aventurier. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de devenir révolutionnaire, alors qu'il n'était pas, absolument pas communiste. Et en plus, la politique ne lui intéressait absolument pas. Mais rien du tout. À un moment donné, il s'est dit, puisque je ne peux pas faire la médecine, je vais devenir un révolutionnaire et je vais mourir pour le peuple. Et c'est comme une sorte d'invention. Et c'est là qu'il raconte dans les voyages à la motocyclette qu'il invente un personnage, ce qu'il va devenir, mais qui ressemble énormément à tout ce qui allait se passer par la suite. C'est comme si finalement, il s'était construit un personnage comme ça, un peu entre romantique et un peu criminel, parce que il parle même du plaisir qu'il éprouverait avec l'odeur du sang. Il y a une sorte de sensualité qu'il attache à la violence, à la mort, au sang des ennemis. Quand il a construit ce personnage, il l'a construit comme un personnage extrêmement violent qui allait jouir en donnant la mort, en fait. Ce qu'on trouve, c'est souvent que quelque chose n'a pas permis de les border dans leur vie, de leur donner l'accès, non pas simplement à des règles, mais un principe directeur qui permet à ce que les règles s'installent. Il y a beaucoup de ces jeunes qui décident de partir, un certain nombre d'entre eux ont vraiment des défaillances de leur environnement familial, notamment du côté du père, et ils sont, on peut dire, dans une quête de se donner quelque chose comme un principe paternel, ou quitte à devenir eux-mêmes et se prendre eux-mêmes pour des pères. Le père Nietzsche, il a installé des entreprises qui ont été ruineuses. Enfin, il a fait faillite très vite. Et voilà, il a mis sa famille dans la misère. Et enfin bon, c'était un peu un désastre, le père. Comme une sorte d'anti-héros. Je pense qu'il a... Ernesto, il avait toujours peur de ressembler à ses pères, d'être un raté, de faire des promesses qu'il ne tenait pas. La mère l'humiliait aussi beaucoup. Alors, il voulait être soldat, le père, à un moment donné, il voulait aller faire la guerre en Bolivie quand Nietzsche avait 5-6 ans. Et je pense que ça l'a un peu influencé aussi. Un père, c'est quelqu'un qui permet d'installer cette fonction tiers qui sépare quelqu'un de ses pulsions, de ce rapport immédiat, d'immédiateté aux objets, aux choses, au monde. C'est ça ce que permet un père, et une mère aussi le permet, d'une autre manière. L'existence d'un père dépend de la mère, de la façon dont la mère va l'installer comme père. Donc, souvent, les parents défaillants, complaisants, ont une responsabilité par rapport à ces jeunes. Et n'oublions jamais que ceux qui vont vers ça sont, la plupart du temps, des jeunes. Ce sont eux qui vont à la recherche de ces lieux où ils peuvent se confronter, se forger un destin, se mettre à l'épreuve. Parce que quand quelqu'un se met à l'épreuve, il se construit lui-même. On le voit bien parce que certains d'entre eux, par exemple, avant de venir aller dans cette aventure, ils vont aller à demander à être enrôlé dans la police, à être enrôlé dans l'armée, c'est-à-dire à trouver quelque chose qui va leur donner ce cadre. Souvent, ils ont été rejetés, refusés. Donc ce sont souvent des gens dans une quête de quelque chose qui les oriente, les encadre. Ils vont le chercher, ils ne le trouvent pas, et ne l'ayant pas trouvé, ils vont aller plus loin pour le chercher. Lord Byron, bien qu'il soit lord et qu'il ait hérité d'une fortune colossale à la mort d'un de ses ancêtres, Byron est né pauvre, très pauvre. Il vivait dans des conditions misérables, abandonné par son père à l'âge de 3 ans, Mad Jack, Mad le fou, militaire, coureur de jupons, de tripots, un homme violent, qui battait sa femme, qui battait son petit garçon, George Gordon, c'est le prénom de Byron. Il quitte la famille et il s'embarque pour la France. On dit, on n'est pas sûr, mais on dit qu'il est mort à Paris, sous les ponts, comme un clochard, le père de Byron. Donc Byron naît dans des circonstances difficiles. Il est élevé par une mère qui ne l'aime pas beaucoup. Byron détestait sa mère. Elle est très exigeante. Surtout, ce qu'il y a, c'est qu'elle ne supporte pas qu'il a un pied beau. Elle voulait un garçon idéal, très très beau, qui aurait été la fierté sa fierté à elle en l'absence du père, et donc elle pensait que le petit George Gordon allait être la perle de sa vie. Or, ce petit George Byron, bien qu'il soit beau et intelligent, est pied beau. Et donc, elle en a un complexe, et elle va essayer de redresser ce pied beau en le mettant, par exemple, dans un moule en bois, pour essayer de redresser ce pied, pour le rendre, entre guillemets, normal. Donc, Byron va subir des sévices à la fois psychologiques et physiques qu'il n'oubliera jamais. Elle est très autoritaire, en plus très bigote, très pieuse, lui interdit tout. C'est une éducation presbytérienne, c'est-à-dire protestante, mais ascétique, et une éducation religieuse extrêmement forte qui l'écrase. Et donc, il va se sentir toujours très seul et très différent des autres. J'ai fait un rêve. Pas tout à fait un rêve. Le soleil était froid, éteint. Et les étoiles assombries, erraient dans l'espace éternel. Les gens partent pour des raisons très différentes. Vers des terrains de guerre ou des lieux de guerre. Il y a une première catégorie qui est dans le sentiment de l'humiliation. De se sentir soi-même humilié ou être humilié par procuration par rapport à des gens qui subissent une injustice. Exactement, j'ai le sentiment de me battre pour réparer une humiliation, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau politique international. Nom de code Ravachol, engagé volontaire. Ma mère, c'était une salariée courageuse qui a donné de sa vie pour ses 3 enfants et qui a été humiliée par sa boîte. Elle est salariée chez Orange. Qui est tombé dans des phases très compliquées qui ont failli lui coûter la vie. Et c'est une frustration que je porte à sa place, quoi. Le fait qu'elle ait été humiliée à ce point, qu'elle ait donné jusqu'à sa santé pour ses gosses. Elle est pas mal tombée en dépression. Il y a eu des phases d'alcoolisme. Une phase d'alcoolisme aussi qui est actuelle, qui est aussi la raison pour laquelle je suis revenu. Le fait que ma mère soit aujourd'hui aussi affaiblie par le système alors qu'elle donne autant de sa personne pour ses gosses. C'est un truc qui me frustre, quoi. C'est un truc qui me fait lever le matin. Et mine de rien, la frustration, c'est quand même une source de carburant énorme, quoi. Je peux ne pas manger de la journée et me dire que je vais me battre, quoi. Et c'est un truc qui est un peu malsain. Ça, je vous l'accorde, mais un truc qui me fait tenir, quoi. Je vis la frustration quotidienne, vraiment. Et ça explique pas mal de choses. C'est une manière de réparer l'humiliation que ma mère a subie au travail. C'est une manière de réparer les morts en milliers par jour qui sont provoquées par les frappes de la coalition. C'est une manière de réparer aussi les choses même que j'ai vécues au lycée, quoi. À l'époque, quand je m'intéressais à la géopolitique et que j'essayais d'en parler à mes potes, ils me prenaient tous pour un radicalisé, quoi. Ce qui fait que j'ai été totalement stigmatisé de la part des camarades. Les seuls qui ont pris ma défense, c'était mes profs d'histoire. Mais je me suis senti totalement humilié par les gens qui étaient autour. Et ça n'a fait que accélérer et étendre ma frustration. Qui me bouffe de l'énergie alors que je pourrais passer du temps au bar, avec mes potes, draguer des filles. Tout ça, c'est des choses qui me plombent vraiment l'esprit, quoi. Et mentalement, psychologiquement, c'est dur à supporter. D'autres. C'est le cas de beaucoup de délinquants, vont pour se faire une virginité, une pureté, et d'une certaine manière aller dans la guerre pour redevenir un héros positif et se laver des crimes et des délits qu'ils ont faits. Et il y a le cas, je crois, qui est très fréquent, ce sont des gens qui fuient le traumatisme qu'ils ont connu dans leur vie. Ils veulent aller ailleurs, où ils ont le sentiment qu'ils vont se débarrasser de toutes les effractions qu'ils ont subies. Et les ressorts sont multiples, mais ils conduisent tous vers cette attitude qui consiste à vouloir aller là où il y a un combat, un horizon, la possibilité de trouver une purification, une sorte de rédemption. Depuis que je porte ce treillis d'ailleurs, j'ai plus de reconnaissance par rapport aux gens. Ça forme une sorte de protection, quoi. Comment dire? Quand je porte un treillis, les gens me respectent. Ils savent que j'ai donné de ma personne, mais ils savent pas si c'est exactement l'armée ou la Légion. Mais tout ce qui compte, c'est de dire: vous savez que j'ai donné de ma personne, alors foutez-moi la paix, quoi. Respectez-moi. C'est l'une des raisons aussi pour laquelle je porte ce trait. Pour rappeler aux gens que moi, j'ai fait quelque chose qui est absolument surhumain. Donc, comme une demande de reconnaissance, quoi. Voilà. Lecce, il a écrit même des textes qui n'ont pas été traduits encore en français. Un texte qu'il a écrit de la mort de sa mère, où il parle de la vie, de l'immortalité, de la vie après la mort. Comme disaient les Espagnols, la vida de la fama, de la réputation, en fait, qui est un concept, une phrase espagnole très classique. Et c'est-à-dire que toute cette vie qu'on a quand on est mort et que on nous rend hommage comme étant un héros immortel. Et lui, il voulait aspirer, c'est pour ça qu'il voulait mourir un héros, parce qu'il voulait pas du tout louper sa vie éternelle. Et quelque chose qu'encore on trouve beaucoup chez les terroristes d'aujourd'hui, en fait, qu'ils imaginent qu'ils vont vivre dans l'éternité de la gloire post-mortem, en fait. Voilà, alors beaucoup, effectivement, je pense que ça a énormément compté, et surtout à la fin de sa vie, il a beaucoup écrit. Sur ça, il vivait pour son image, cet homme. Enfin, c'était un... voilà, il a réussi son coup, de ce point de vue-là. Alors, j'avais le Che Guevara, qui était un de mes grands... J'admirais beaucoup cet homme. Alors, j'avais 16 ans à l'époque, quand je m'intéressais au Che Guevara. Et je me suis dit, sérieux, je sais ce que je veux faire, je veux être un révolutionnaire de carrière. Donc, je veux une idéologie, je veux une arme et je veux aller me battre. Comme lui. Ce qui me plaît vraiment chez le Che, c'est son courage. C'est le fait qu'il soit absolument déterminé. Qu'il ait essayé d'exporter le marxisme à... outre Cuba. Et le Che m'a beaucoup inspiré aussi par son charisme, une certaine discipline militaire qui avait pas mal de révolutions à son palmarès, quoi. Et ça m'avait motivé à aller plus loin, quoi, dans mon idéologie révolutionnaire. Pour moi, c'est un peu comme c'est un super-héros, ce mec. Vous l'avez affiché sur des t-shirts? Non, je suis pas vraiment ça reste mon héros, mais il y a des limites, quoi. J'ai pas de poster, pas de t-shirt. J'avais une coque téléphone chez Guevara pour un moment, mais je m'en suis débarrassé. Mais j'ai pas envie de copier le Che, j'ai pas envie d'être comme le Che. J'ai envie d'être moi-même, tout en faisant ce qu'il fait, quoi. Il vous a jamais déçu, le Che? Bien sûr, mais je comprends, quoi. Après avoir vu les balles fusées au-dessus de ma tête, après avoir été blessé à de multiples reprises, je comprends le Che, quoi. Alors, moi, je pense que cette adoration que la société occidentale a eue pendant une décennie pour les Che est très liée à l'idée du martyr chrétien qui mourait pour la gloire des dieux d'une façon joyeuse. Il allait à la mort avec la joie, avec les sourires, avec... Un porte-à-voix des forces armées bolivianes affirme aujourd'hui que le guerrillero mort le domingo passé, près de la population de Higueras, au sud-est de la Bolivie, era realmente Ernesto Guevara. Alors, les Che, il a été capturé, et en fait, ils l'ont exécuté dans une petite école de la Higueras. Et là, l'armée ne voulait pas dire qu'il avait assassiné. D'abord, il a voulu dire qu'il était mort dans la bataille. Après, ils ont dit qu'il est mort de ses blessures. À la fois, ils voulaient l'enterrer vite pour que son lieu de sépulture ne soit pas un lieu de pèlerinage et tout ça. Ils faisaient ça systématiquement avec les révolutionnaires. Alors, au même coup, ils ont décidé qu'ils allaient l'exposer au public pendant 17 heures. Ils l'ont exposé pendant 17 heures. Les cadavres, on lui a coupé les cheveux, on l'a lavé, on l'a peigné. Et on lui a mis du formol dans les visages, de sorte qu'il avait l'air d'être vivant. On ne lui a même pas fermé ses beaux yeux qu'il avait, parce qu'il avait des yeux magnifiques. On ne lui a même pas fermé les yeux. Ils ont fait venir la presse, l'armée, ils l'ont photographié. Alors, du même coup, les flashs des caméras se sont reflétés sur ses yeux ouverts. Alors, il avait l'impression d'être vivant. On a eu l'impression que c'était un saint, que c'était un martyr, et qu'il était mort joyeusement pour les autres, en fait. Alors, du même coup, les martyrs ne peuvent pas avoir commis des fautes, en fait. Alors, il y a eu une impossibilité de les rendre responsables, même des crimes assez lourds, comme, par exemple, qu'on peut parler des crimes de guerre, où lui, il était un saint, il était un innocent, et voilà, je pense que son allure a aussi beaucoup compté, en fait. Hein. Il avait l'air d'un ange, en fait, comme ses sourires. Et il dit, mais cet homme ne peut pas être trop méchant. C'est pas les bons rôles. Enfin, il y a quelque chose comme ça, comme on peut pas lui attribuer les mauvais rôles dans un film, un type comme ça. C'est comme il y avait comme une erreur de casting. Et je pense qu'il y a une, comme une contradiction entre peut-être ce qu'il était, Ernesto, le petit Ernesto, qui était un brave garçon avant de devenir Lecce, que peut-être il était encore dans ses beaux visages et ce qu'il était devenu. Cet homme, il avait décidé de mourir finalement très jeune, il s'est engagé, etc. Et il y a eu une sorte de lutte entre la vie et la mort qui s'est livrée chez lui jusqu'à la fin. Peut-être aussi ce qui émeut chez lui et qui traverse tous les êtres humains, c'est ce combat que nous livrons contre notre propre désir de mort, en fait, qui est universel. Il se peut qu'il incarne cette lutte contre soi-même plus qu'une lutte politique, en fait. Parce que c'est vrai que Lecce est devenu un personnage un peu pour ado, un personnage... je pense que les jeunes personnes qui mettent les posters dans la chambre ou mettent des t-shirts, etc., ils voient un bel homme qui a l'air gentil, qui a un regard perdu et le rêveur. Et peut-être il voit cette lutte qui s'est livrée entre son désir de mort et son désir de vivre, en fait. Le dernier tableau de Byron, on le voit nu, recouvert d'un drap sur son lit de mort. C'est un tableau fait par un peintre qui s'appelle Joseph Denis Audevard. C'est le dernier portrait de Byron. Donc on le voit très maigre, avec un bras qui pend. Il a un teint blafard. Il est là sous une tente, comme Napoléon ou Jules César, dans une tente sur un champ de bataille. C'est vraiment la construction d'un mythe. Ce tableau, comme la photo du Che, le fait vraiment entrer dans la légende, parce qu'on ne s'y attendait pas. On ne s'attendait pas à ce que le grand Lord Byron meure. Le deuil populaire est immense, mais aussi les écrivains. Et c'est ce qui va faire de lui le héros et le mythe. C'est là qu'il va rentrer dans la légende. Donc les Philomènes sont restés très importants dans l'imaginaire européen, au moins tout le 19e siècle, et jusqu'à la guerre d'Espagne. C'est comme si le souvenir des Brigades Internationales faisait écran ensuite un peu. Les Philhellènes se perdent un peu dans la mémoire collective. Mais jusque-là, ils étaient très célèbres. C'est très étrange, c'est le rapport entre leur petit nombre, parce qu'il y avait 1200 volontaires, c'est pas énorme. Et finalement, leur expérience plutôt déceptive et assez désastreuse en Grèce a été masquée par ce à quoi les gens avaient envie de croire. C'est comme si Byron avait jeté sur eux une lumière très positive, voilà, une lumière de légende en quelque sorte. Walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, no, no, you're a rock and roll suicide. L'élan. Lord Byron en Grèce, avec Hervé Mazurel, Daniel Salvatore Schiffer, David Valla, Frédéric Gros, Laurent Bonelli, Feti Ben Slama, Marcela Yacoum et Rava Scholl. Lecture des poèmes de Lord Byron, Geoffrey Carré. Merci à Estelle Ferrari de la documentation d'actualité. Coordination, Perrine Kervran et Marie-Vonne Abolivier. Prise de son, Jean-Marie Porcher, Marcos Darras, Yann Frécy, Manuel Couturier. Mixage, Claude Niort. Un documentaire de Pauline Mocor, réalisé par Diffy Mariani.